Chapitre 4e. Pouvoir d'un journal. Un curieux dialogue. La femme et la fille du docteur. Doyle était depuis 10 jours incarcéré à Plate City quand on amena dans la grande salle un Irlandais arrêté pour ivresse et qui devait être relâché le lendemain. Par le grillage de sa porte, le docteur pouvait non seulement voir l'intérieur de cette salle, mais encore converser avec ceux qui étaient détenus. Quand il jugea l'Irlandais plus en état de le comprendre, il lui proposa de porter une lettre à Leavenworth, au citoyen Warren, l'assurant qu'il recevrait une bonne récompense. La proposition ayant été agréée, Doyle emprunta un crayon à un autre prisonnier et, sur une page blanche détachée de la Bible, raconta les détails de son enlèvement et les mauvais traitements qu'il avait à souffrir en prison. L'Irlandais, remis en effet le lendemain en liberté, emporta cette lettre. 2 ou 3 jours après, à 11 heures du soir, le shérif, suivi du geôlier, du député Marshall, fédéral de la Leavenworth City et d'un homme, clerc à Liberty, dans le Missouri, tous assez saturés de whisky, entra dans la prison et me tendit, avec une colère concentrée, une copie du Leavenworth Times, en me demandant si cette lettre était bien écrite par moi. À la lumière de sa chandelle, je reconnus ma lettre à Warren qui avait été publiée, et je répondis affirmativement. J'ajoutai même que s'il s'était donné la peine de venir dans la journée, ils auraient pu s'assurer que tout était conforme à ce que j'avais écrit. « Pourquoi avez-vous écrit de tels mensonges ? Je n'écris que la vérité. » « Vous ne pouvez pas dire qu'il soit vrai qu'on ne vous donne pas d'eau pour vous laver. »« Si, je le dirai. » »« De Bard, » dit le shérif, s'adressant au geôlier, « ils prétendent n'avoir pas d'eau pour se laver. C'est un sacré mensonge. »« Oh, » dis-je, « vous n'en pouvez rien savoir, mais appelez votre fils. » Celui-ci était chargé de nous fournir le nécessaire. « John, » continuai-je en le voyant entrer, « dites au shérif Bryant si nous ne nous avons pas prié tous les jours de nous apporter de l'eau pour nous laver. » « Eh bien, je suppose que vous l'avez fait. Combien de temps y a-t-il que vous ne nous en avez apporté ? Je ne sais pas. Nous en avez-vous donné depuis 8 ou 10 jours ? Dites vrai, car si vous ne le dites pas, il y a assez de personnes ici pour vous démentir. Eh bien, je ne sache pas vous en avoir donné. Ainsi donc, monsieur Bryant, vous pouvez considérer ce point-là comme prouvé. Et si je voulais continuer, je vous prouverais tous les autres. Le fait est que nous n'avons même pas eu assez d'eau pour boire. Et grâce à ce poêle placé à 4 pieds de nous, que le gardien, en dépit de nos observations, s'obstine à chauffer tout rouge, nous avons failli plus d'une fois d'être suffoqués, et nous avons souffert le martyre de la soif. Vous ne traiteriez pas de la sorte un animal à vous, et pourtant nous sommes de libres citoyens de l'Amérique, enlevés de force à notre pays, sans avoir commis le moindre délit, et simplement mis en dépôt pour être interrogés. Le shérif, craignant que de nouvelles plaintes des prisonniers fussent livrées à la publicité, ordonna de leur donner l'eau dont ils auraient besoin, mais ils ne purent obtenir ni habits, ni limailleurs, ni la permission d'habiter une autre cellule que le réduit noir et infect où ils étaient enfermés. De plus, un de leurs ravisseurs, Jake Third, représenté dans la lettre comme un être diabolique et malfamé, vint à son tour les accabler de reproches et d'injures et ne les quitta qu'après avoir exhalé sa colère dans les termes les plus menaçants. Le 18 février, le fils du geôlier s'élança dans la salle en criant « Docteur Doyle, Docteur Doyle, votre femme et votre fille viennent d'arriver. »« Ce n'est pas possible, je n'y crois pas. Ne venez pas me mystifier. Si fait, je les ai vues, elles sont allées à l'hôtel de Moore et vont arriver ici. »« Eh bien, s'il en est ainsi, je vous prie d'aller vers ma femme pour lui dire que malgré le désir que j'aurais de la voir, je n'ai pas besoin qu'elle vienne ici pleurer et se lamenter, mais apportez-nous de l'eau d'abord. » Mon fils et moi, nous commençâmes aussitôt à nous faire aussi propres que nous le permettaient nos misérables ressources. Nous étions tout en émoi à l'idée de revoir ces êtres qui nous étaient si chers. Nous savions bien qu'elles entreraient, et nous aurions été fâchés qu'elles consentissent à s'en retourner sans nous voir. Mais nous affections le stoïcisme devant les autres, parce que nous les savions disposés à nous tourner en ridicule si nous laissions voir nos sentiments. Après un quart d'heure qui nous semblait un siècle, ma femme et ma fille aînée parurent à la porte de la prison, suivies de la foule des ruffians de Plate City, qui, non contents de nous insulter, nous autres hommes, en toute occasion, les avaient également poursuivis de leurs cris et de leurs huées. On apporta des lumières. La porte de notre cellule s'ouvrit. En même temps que ma femme et ma fille, la populace s'élança et remplit notre étroite chambre, ne voulant pas nous laisser un instant à nous-mêmes. Dans la salle, les curieux se pressaient également pour nous contempler. En nous revoyant, ma femme et ma fille, qui nous avaient cru perdus pour toujours, pleurèrent à chaudes larmes. Pendant ce temps, la populace nous pressait de toutes parts, menaçait toujours de pendre les derniers abolitionnistes, riant et se moquant avec des gestes odieux de notre émotion. Le geôlier refusa obstinément de chasser les intrus, quoique mon fils lui demanda si nous devions être exhibés comme des bêtes féroces dans une ménagerie. J'eus recours au shérif. Il me répondit froidement qu'il était tout naturel à la foule d'aimer avoir des abolitionnistes aussi célèbres que nous. La populace resta donc dans notre cellule et autour de la prison, jusqu'au départ de ma femme et de ma fille. Il les escorta au retour avec de nouvelles clameurs et de nouvelles insultes. La tournée générale Davis et le gouverneur Shannon du Kansas entrèrent à leur tour. Ils nous exprimèrent, en même temps que leur sympathie pour notre malheur, l'indignation qu'excitait en eux le traitement subi par ma femme et par ma fille et la situation à laquelle nous étions réduits dans la prison. Ils ajoutèrent que la législature du territoire avait, à l'unanimité, voté $1,000 pour subvenir aux frais de notre procès et qu'eux-mêmes avaient été désignés par le gouverneur pour nous servir de défenseurs. Ils étaient venus exprès pour concourir à l'instruction du procès qui devait avoir lieu dans un mois et je les autorisais, d'après leur vue d'ailleurs, à se servir du juge Pratt de Platte City s'il était nécessaire d'être défendu par un avocat du pays. Le lendemain, ma femme et ma fille renouvelèrent leur visite. La foule était aussi animée, mais moins nombreuse que la veille. Le shérif, qui les accompagnait, leur défendit de rester plus de quelques instants avec nous et voulut même assister à notre entretien de sorte qu'il nous fut impossible de les entretenir de nos affaires privées. On leur permit seulement de nous remettre du linge et des chandelles qu'ils avaient apportées. Ce fut pour nous un léger soulagement.